réparer ce qui fut pris, à ne pas écraser l'étranger, à ouvrir la main à l'indigent et à ne pas endurcir le cœur fermé. La compassion est une preuve que la délivrance n'est pas vaine. Apprends-nous à réparer nos torts, à ne pas ignorer le cri, car une liberté sans compassion retourne vite à l'oubli. Apprends-nous à réparer nos torts, à aimer jusque dans nos dettes, car le Dieu qui nous a libérés